Le comité tchèque pour la mémoire du président Gemelson est constitué le 17 courant à Prague. Le comité a fixé l'espace du 20 juin au 10 juillet comme période de souvenir et décidé de propager largement la vie révolutionnaire et les exploits immortels du président Gemelson par les masses médias et d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme le rassemblement de souvenirs, le séminaire sur ses exploits et la séance de films. Par ailleurs, le comité pour la mémoire du président Gemelson est constitué à l'union de la jeunesse communiste léniniste de toute la Russie.